On va avoir à peu près les mêmes processus avec la condition enseignante, hein, condition lycéenne étudiante, on vient de l'avoir, la condition enseignante est aussi dans une forme de laminage systématisé. Éric Debardieu, vous avez la parole à ce sujet. Comment commencer? Parce que, évidemment, avec ce qui a été dit et la question qui a été posée tout à l'heure sur les compétences, entre autres, j'ai envie de réagir un peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié un certain nombre de choses. Où en est le pouvoir actuel par rapport à l'éducation? Le bien-être. Avec Blanquer, c'est la fin du pédagogisme. C'est la Marseillaise, c'est les uniformes, c'est la distribution des fables de La Fontaine aux élèves, c'est tout ce qui va être quand même les signaux les plus réactionnaires possibles. Il faut le dire. Bon. C'est quand même intéressant. Regardons quels sont les penseurs en éducation actuellement qui ont pignon sur rue. On pourrait parler d'Alvarez différemment. Enfin, Blanquer était éditorialiste dans Le Point, comme Brigelli. Brigelli qui aurait été ministre de l'éducation de Dupont-Aignan s'il avait été le premier ministre de Jean-Marie Le Pen, quand même. Il faut s'en rappeler. De Marine Le Pen, il faut s'en rappeler. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus réactionnaire actuellement, mais réellement, c'est-à-dire au sens vraiment du sens commun, au sens des Maurrassiens. Regardez, d'ailleurs, il y a certaines choses là-dedans, mais ils sont en dessous de la réalité. Hein. Donc, ceux qui forment le cabinet de Blanquer, il ne faut quand même pas exagérer. Bon, on a des gens qui auraient été au pouvoir si ça avait été Fillon, qui sont au pouvoir parce que c'est Blanquer qui aurait été au pouvoir si ça avait été Fillon. Bon. Alors après, dire que, du coup, les pédagogues qui parlent un petit peu du bien-être des élèves sont forcément des complices du néolibéralisme ambiant, je la trouve un peu dure. Bon. C'est-à-dire que, concrètement, en gros, il n'y a que la transmission des savoirs qui serait celle qui serait la plus démocratique. Bon, alors, moi, là, j'ai envie de retourner sur le terrain. Personnellement, je ne suis qu'un prof de sciences d'éducation, même si je suis philosophe de formation, je n'avais pas l'agrégation, donc j'avais peu de chance d'avoir un poste, sauf que mon directeur de thèse, Henri Joly, s'est noyé un jour avant que je doive soutenir ma thèse. Ça ne m'a pas aidé. Bon. Surtout lui, le pauvre. C'est formidable. Bon. Mais, donc, j'ai un long parcours. C'est l'avantage d'être un vieux barbon sexagénaire, mâle blanc, hétérosexuel, qui est donc le seul fondé à part l'éducation, évidemment. On sait que la plupart des enseignants sont des enseignantes en primaire en particulier. Mais bon, j'ai été enseignant, éducateur, j'ai pendant 18 ans, j'ai été enseignant-chercheur à Bordeaux, à l'UPEC un petit moment, et délégué ministériel même en charge d'un certain nombre de choses sur les politiques publiques qui m'ont beaucoup appris et beaucoup écœuré, il faut le dire. On pourra en parler si vous voulez. Et là, depuis 3 ans, donc, je suis en fait 32 rêves plus dans des terrains qui sont des terrains particuliers, c'est-à-dire qu'essentiellement, c'est un 14 arcanique Créteil, c'est vrai, je me suis réservé un petit peu Saint-Denis, bon, pas peut-être plus simple, mais aussi l'île sud, Lens, les quartiers nord de Marseille, bon, etc., pour un gros projet qui s'appelle ADER. L'idée étant que, il y a quand même peu de vraies formations. Justement, il y a très peu de formations à ce qui serait la vulgate néolibérale d'après toi. Et il y a des besoins. Donc, ce que je fais, c'est simplement aller sur le terrain, faire des enquêtes, oui, de climat scolaire. On pourra reparler, si vous voulez, de la manière dont le climat scolaire est récupéré par la vulgate ministérielle à coup de circulaire. Et quand j'étais délégué ministériel, je disais toujours, à chaque conférence, et je le fais, penser par circulaire, c'est penser en rond. D'accord ? Néolibéralisme, new management, etc., c'est le pouvoir local. Moi, je cite souvent Glucksmann là-dessus. Il est peu de pouvoir qui se prive du luxe de dire vous êtes libre. Et on s'en est pas privé quand on a parlé d'autonomie. Donc, je suis assez d'accord sur plein de choses sur le new management. Mais en même temps, c'est très compliqué. Parce qu'on est tiraillé entre ça, un dirigisme, une recentralisation extrêmement forte, et un soi-disant localisme qui, évidemment, tous les chercheurs, je pense à Martuccelli, par exemple, qui a fait des trucs intéressants là-dessus, mais qui n'est pas le seul, ont montré à quel point ça pouvait avoir des effets de burn-out, par exemple, extrêmement forts, en créant du conflit entre les personnes sur le terrain. Bon, c'est très compliqué. Bon, on parlera éventuellement des conflits. Dans ces... Donc, je m'appuie un petit peu sur ce que j'observe sur le terrain, mais aussi sur des enquêtes où j'ai interrogé 66 000 donc membres de l'éducation nationale. Bon, je ne vais donc pas trop parler du point de vue des élèves, mais quand même un tout petit peu. Bon, là, on pense que j'en suis à plus de 200 000 élèves interrogés, probablement, depuis 91. Mais bon, sur des choses particulières, hein, oui, climat scolaire, victimation, puisque bon, c'est un peu ma spécialité de recherche depuis fort longtemps. Ce qui me frappe actuellement, justement, par rapport à l'expérience, je dirais, scolaire, en dehors de, je ne vais pas faire de philosophie sociale, hein, mais vraiment de choses extrêmement concrètes. C'est par exemple, sur les terrains où je suis, la montée d'un prurit très pressif, absolument invraisemblable. Bon. Avec donc des exclusions continuelles de membres de cours dans certains établissements scolaires. J'ai un établissement scolaire, 65% des gosses, par exemple, ont été exclus plusieurs fois de cours. 35% ont été exclus de l'établissement temporairement. Un de mes collègues, bien connu, hein, à Créteil, et ancien thésard, Benjamin Moignard, à ce moment-là, parle de collège fantôme dans nos secteurs où on travaille. C'est-à-dire l'équivalent, par exemple, dans les départements périphériques, chaque jour, il y a l'équivalent d'un collège dehors. Voilà. Problème de décrochage scolaire, santé mentale et sécurité, on le sait. Bon. Donc ça, c'est un problème assez concret et assez intéressant, qui fait, par exemple, qu'on a 80% des mômes dans un collège qui nous disent que les punitions sont vachement injustes. Et 80% des profs qui nous disent que les punitions, c'est beaucoup trop laxiste ici. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, au-delà de ces questions, et on va se rejoindre sur certaines choses, évidemment. Bon. C'est que, évidemment, on a là, actuellement, dans les situations qui sont gravissimes, hein, je dis bien gravissimes, des profs qui sont nommés, donc, très souvent contractuels. Bon, ceux qui travaillent avec l'UPEC le savent bien, on peut avoir jusqu'à 35%, 40% de profs contractuels. Plus du tiers des enseignants qui sont, par exemple, formés en SP, donc, à Bordeaux, vont se retrouver en premier poste dans un collège sensible en Seine-Saint-Denis. Ou un collège chancier, disons, va être plus dans l'académie de Créteil en particulier. Donc il y a vraiment là des problèmes qui sont importants, ce qui fait qu'effectivement, on a des gens qui ne savent pas comment faire, sont dans un réflexe d'exclusion sociale qui est très très fort, mais non pas simplement parce qu'on leur a appris, qu'il fallait que les gosses s'expriment, c'est plutôt l'inverse. Je rappelle qu'il n'y a aucune formation à la gestion des conflits, précisément. Même si Blanquer avait dit qu'il en mettait une quand il était recteur, rappelons-nous, c'était la rigolade, tout le monde a rigolé. Bon, il n'y avait rien, en réalité. Bon. J'ai interrogé, donc, ces profs, et si vous les voulez, je vous les donne au séminaire, il n'y a pas de problème. Je l'ai toujours dit, je le dis, il n'y a jamais personne qui me les a réclamés. J'ai plus de 900 pages de verbatim de profs qui disent « voilà la formation dont j'ai besoin ». Bon. Formation dont ils ont besoin, bah effectivement, elles rejoignent ces choses que les pédagogies dites nouvelles, ça fait longtemps qu'elles sont nouvelles quand même, bon, on va essayer de développer. Des besoins qui peuvent effectivement être récupérés par le néolibéralisme. Bon, je donne un exemple. Un collège Saint-Denis, difficile. Bon, très difficile. Avec un turnover qui est de l'ordre de 50 à 60% des personnels. Qui a ce taux, donc, d'exclusion de classe. On peut avoir toutes les analyses qu'on veut, qui seront justifiées, qui seront macro ou méso, je m'en fous. Hein. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais quand j'ai des mômes dans la classe? Donc nous, ce qu'on a fait quand on a vu le problème, on leur a mis en place des formations sur site. Ces formations, elles ont été faites par des gens qui habituellement travaillent plutôt dans l'enseignement catholique ou dans les établissements du 6e arrondissement, parce que là, que l'association va gagner son fric. Au reste, pour référence, la discipline positive. Bon, j'aurais dit, vous voulez travailler avec moi, chiche, mais ça sera là. Sauf qu'on a diminué par 10 le nombre d'exclusions de classe. Qu'on a divisé par 3 le nombre de mômes harcelés. Hein? Elles ont dû jusqu'à accompagner les profs dans les classes. Bon, ça a été effectivement des choses, comment moi, prof, je gère mon stress, comment je gère le stress de mes élèves. Donc c'est pas si inutile que ça. Est-ce qu'il faut réserver quelque chose qui serait donc de l'ordre d'une unique transmission des savoirs et qui serait la formule magique? Moi, je suis désolé. Mais rappelez-vous, Blanquer, c'est quoi ses premières interviews? Celui qui l'a coupé, là, quand il était nommé ministre. SOS Éducation. Ensuite, c'est quoi? Valeur actuelle, débat avec Polony. D'accord? C'est un grand modèle de pédagogie nouvelle, Polony, hein, tout le monde le sait. Hein. Bon. Donc, là, de ce côté-là, j'ai peur qu'en disant ça, je suis désolé, mais un certain nombre de collègues sociologues que j'aime bien, comprenez-vous, se trompent d'ennemis. Bon, il y a un moment donné, je crois quand même que c'est un peu trop facile. Il ne faut pas oublier que la parole est pouvoir. si vous voulez inscrire votre enfant, moi je le sais, je suis prof d'université, ma fille a, elle passe son bac là, hein. Effectivement, elle n'est pas angoissée sur APB, hein, ou sur Parcoursup, elle a 9 vœux sur 10 où elle est déjà admise et 1 où elle est en attente, hein, d'accord ? Mais elle s'en fout parce qu'elle part à Amsterdam. Bon, mais en attendant, bon, elle était aussi très tentée par les États-Unis. Bon, quand elle a vu que c'était Trump, elle a dit « bon, je ne veux plus aller aux États-Unis ». Bon, elle est bien. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on demandait ? Bah, qu'on puisse payer, bien sûr. Mais quel service tu peux rendre à la communauté ? Hein, quelles sont tes compétences sociales effectivement? Alors il faut réserver les compétences sociales aux enfants de riches, ou pour l'université, ou même de sciences de l'éducation, et pour les autres, la transmission des savoirs comme ça. Non, je suis désolé. La pédagogie reste pour moi un combat, et un vrai combat. Bon. Alors effectivement, le problème, pour reparler des enseignants maintenant différemment, c'est qu'on est du coup dans quelque chose qui est extraordinairement compliqué, très mal vécu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est, c'est classique, on sait qu'il y a des tas de critiques sur ce modèle-là, bon, mais dans un changement de référentiel global et de référentiel aussi sectoriel. Bon. Mais ce changement de référentiel, il est plus ou moins fait. Complètement d'accord. Sur le plan économique, sur le plan même macroéconomique, c'est très clair. On est là, très clairement, avec Macron, avec tous ses choix, avec tout ce qui traîne autour de ces feignants de chômeurs, de tout ce qu'on veut, etc. On est clair. En éducation, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur ce logiciel profondément réactionnaire, auquel il croit probablement vraiment, hein, et ce modèle de l'autonomie. Sauf que très vite, on a vu ce que ça devenait, un dirigisme important. Et aussi, effectivement, et là on se rejoindra sans doute sur la nécessité d'un combat réel là-dessus, des écrans de fumée, pas possible. Bon, c'est quoi la cause de l'échec scolaire? La méthode globale, à cause des pédagogistes. Hein? Jamais un pédago n'a été assez con pour mettre en face d'un texte d'Emmanuel Kant un môme en lisant « tu vas lire ». C'est des légendes, mais des légendes urbaines. Mais auquel je pense qu'il faut se méfier, y compris chez mes copains sociologues. J'ai souvent discuté de ça avec Dubé, par exemple, ou autre. Donc, des stéréotypes qui vont tourner autour de la pédagogie de l'éducation. Bon, il faut savoir aussi que là derrière, il y a donc quelque chose d'important. Et on a des profs, du coup, qui sont mais complètement déchirés. Il y a des vieux modèles, hein, les vieux modèles qu'on connaît bien. Entre donc le prof plus ou moins tout puissant dans sa classe, on peut avoir une lecture psychanalytique si on veut, ça ne me fait rien, mais donc qui est donc, je dirais, le prof où tu peux toujours dire ce que tu veux, toi là-haut à la DGESCO, je fais ce que je veux dans ma classe. 220 circulaires, ça ne sert à rien. Bon. Et où effectivement, du coup, par exemple, quand on est dans un établissement donc un petit peu difficile, où on sait, mais techniquement, simplement, techniquement, c'est de la criminologie de base, que si je veux faire face à ces publics difficiles, au lieu de m'accuser d'ailleurs que c'est de ma faute s'ils sont difficiles, après tout, j'ai moins le mérite d'être là dans la faille de l'exclusion, et j'aurais plutôt tendance, moi, personnellement, à beaucoup, beaucoup, beaucoup critiquer les profs qui sont dans les classes préparatoires aux grandes écoles, comme Brigadier, hein, par hasard, donc qui dit qu'il a été soi-disant en REP, on sait ce qu'il en a été réellement. Bon, mais en attendant, donc, bon, ils sont effectivement totalement prisonniers de cette parole extrêmement, comment dirais-je, traditionnaliste, hein, du prof, l'élève assis, et ça, effectivement, tu parlais du Québec à l'instant, bon, moi je travaille énormément avec des tas de gens, c'est pas un modèle magnifique, il y a plein de contradictions également, hein. Il y a quand même aussi des choses qui sont un peu différentes. Bon. Là, de ce côté-là, on a aussi, du coup, des tensions avec cette volonté, et c'est là que c'est compliqué, les contradictions du new management, etc., donc du « faites-le ensemble, faites-le collectivement ». Bon, c'est pas parce que le pouvoir dit « faites-le collectivement » qu'on va le faire au contraire. On va se replier, vous savez bien, c'est les tensions entre ce qu'on appelle l'anarchie organisée, hein, le modèle de l'archéologie organisée et le modèle d'un autoritarisme fou. On est dans ces deux systèmes. Pour avoir circulé partout dans le système, du la base, le sommet, parce que le modèle ministériel, ça faisait bien, et pour être revenu donc sur le terrain et bon, y être encore beaucoup, bien que je sois à la retraite depuis un certain temps, bon, je vois un peu les ravages que ça peut faire, de tension à ce niveau-là, où du coup il y a un repli sur soi, et là on va retomber sur cette question du repli sur soi qui est important, avec une énorme difficulté à travailler ensemble. Les résultats, ils sont où? Ils sont sur des profs qui ne veulent plus être profs, un décrochage professionnel qui est très fort dans les zones populaires en particulier, sur des inégalités territoriales qui sont délirantes, hein, pour travailler beaucoup en Seine-Saint-Denis, je dirais presque essentiellement, mais pas que, on sait très bien que, ben oui, hein, si on doit faire un choix, ben, le prof qui n'a pas été admis, le prof des écoles, il n'y a pas de note éliminatoire, ben, il sera quand même, hein, on le prendra quand même, et malgré ça, on n'arrive plus à avoir de prof des écoles. Moi, je suis très inquiet sur plusieurs choses. Je dis, c'est un peu décousu, mais tant pis. Je suis assez inquiet sur plusieurs choses de ces dernières années, ces observations que j'ai pu faire, je dirais. Bon. Un, ce déchirement idéologique. Ce déchirement idéologique qui est aussi un déchirement entre personnels de l'éducation nationale. Les personnels qui sont des personnes qui seraient réservées à l'éducation, quelque part, et les personnels qui seraient réservées à la transmission des savoirs. Avec une augmentation considérable que j'ai mesurée, que j'ai publiée, donc des conflits d'équipe, dans le second degré comme dans le premier degré. Imaginez par exemple que la recherche qui a été faite avant l'arrivée de Blanquer au pouvoir, hein, à la fin de la saison sur la refondation de l'école, hein, on avait 40% des profs du second degré qui disaient avoir des conflits fréquents avec leur chef d'établissement, fin de la refondation, 60%. On avait 20% des profs des écoles, priorité aux primaires, qui disait avoir été ostracisé par des collègues, fin de la refondation, on est à plus de 38%. D'accord? Et tous les chiffres vont dans le même sens. On est dans un, je dirais presque une non-gouvernance, ou une non-pensée de la gouvernance de l'éducation nationale qui est assez folle. Bon. Qui est un système où, quelque part, on psychologise tout. Les conflits deviennent dramatiques, les replis sur soi deviennent dramatiques. Je suis en train d'essayer de régler les problèmes de harcèlement entre profs des écoles et directrices, par exemple, sur Paris, où je sais qu'on ne va pas y arriver. Il y a une jeune femme qui a... J'en ai fait un AVC récemment, d'ailleurs, bon, très très dur. Bon, donc, il y a d'abord ce problème des conflits d'équipe qui me semble vraiment, vraiment important. Deuxième chose que je voudrais dire dans les difficultés de la condition enseignante, que ce soit du néolibéralisme ou non, je ne sais pas, tu pourrais m'éclairer là-dessus, parce que je ne suis pas sur cette piste-là forcément, mais on va parler d'une chose extrêmement particulière. Bon. L'accueil des élèves en difficulté, et l'accueil des élèves qui sont en situation de handicap, l'accueil des élèves qui ont, alors on va dire c'est une invention là, terrible, en trouble de comportement. En France, tu parles d'un mot en trouble de comportement, t'es évidemment un behavioriste, t'es évidemment un type quasiment facho qui veut normaliser les petits mômes. Bah oui, mais j'ai un petit môme dans ma classe, il arrive dans la classe, la seule chose qu'il fait, c'est casser la gueule aux autres. Qu'est-ce que je fais? J'ai aucune formation. Est-ce qu'on ne s'empêche pas aussi de penser ce problème des troubles comportants à l'école sans forcément en être fâcheux? Il y a un moment où il faut aussi se dire, humainement, il ne faut pas oublier, un gosse violent, un adulte violent, je viens de publier, vous avez peut-être lu ça, une grosse recherche sur la violence sexiste à l'école, c'est quelqu'un qui est en réalité prisonnier, totalement prisonnier de son comportement, qu'on doit libérer. Qu'on doit libérer de ces actes réflexes qui sont des agressions. Où est la formation? Bon. Et ça, c'est en train de couler l'école primaire. On va être clair. On a effectivement, donc, une loi, la loi de 2005, très consensuelle, et je suis pour. Moi, en tant qu'ancien éducateur spécialisé, en tant qu'ancien institut dans les IMP, ce sont ces gosses-là qui m'intéressent. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment qu'on va pas revenir là-dessus, parce que là, on a les lobbies, et c'est très bien, des parents et des personnes handicapées qui refuseront complètement, mais on confie ça à des personnes extrêmement précaires, des ABS, sans aucune formation, à des profs, démerdez-vous avec ça. Où est-ce qu'on est, là, dans la réalité de la formation? Et voilà, justement, la troisième chose que je voudrais dire, c'est effectivement, quoi qu'il en soit, ben, c'est nécessité de formation. Bon. J'ai passé 25 ans à peu près en département universitaire. pour mon retour après mes 3 ans de délégation ministérielle, et après avoir donc apprécié ô combien la manière dont on pensait par circulaire dans la technostructure, donc j'ai demandé à être réintégré en SP à Caltech. C'est clair, enfin, je vais être très méchant, mais ils le savent, ce que j'ai écrit. Bon. Moi j'appelle ça miette de formation. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme vraie formation? Je dis comme formation concrète qui est demandée, hein, qui est exigée, je dirais presque, par les personnes qui arrivent. Ah oui, gérer une classe, c'est pas naturel. Bon, gérer des enfants difficiles, c'est pas naturel. Bon, si je me suis amusé à lister simplement une formation pour montrer, enfin c'est ce que je dis, c'est à l'inventaire à la Prévert, moi la poésie. Bon, aucun effet de formation possible. J'ai 1 heure sur le bureau. Peu importe, le harcèlement, moi je ne crois même pas en formation sur le harcèlement en 1 heure, même si je suis censé être un spécialiste du harcèlement. Je n'y crois pas. Bon, ça ne peut pas avoir d'effet de formation. Où est-ce que c'est? On est là actuellement dans les esprits, dans quoi? Bah, dans le déchirement entre les deux référentiels, ou les deux modèles, ou tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est d'abord un, quelque chose qui n'a absolument pas été pensé par la loi de refondation. Bon, tu sais combien. Bon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que, avant de penser à des programmes magnifiques, qui allaient être super parce qu'on va avoir enfilé des perles avec tous les lobbies acquis, ils vont avoir considéré comme une victoire considérable, y est marqué qu'il y a une formation obligatoire sur les jeux dangereux. J'ai rien contre les jeux dangereux, je suis membre du comité scientifique d'une des associations de parents là-dessus. Bon, avec un certain nombre de médecins urgentistes. Mais en attendant, ça ne sert à rien 1 heure sur les jeux dangereux, c'était déjà ça, mais bon. Et à chaque fois, ça a été comme ça, je l'ai dû faire, j'ai dû construire la loi de refondation. On n'a pas pensé qu'avant, il fallait peut-être penser qui et pourquoi, je dirais, aller faire ces formations. Bon, on a qui est commande? Les IEN, les IAIPR, les maîtres formateurs, qui ne soient pas UPRCE, les profs d'université ou les maîtres de conférences, les chargés de cours ou les chargés de TD, etc. Et d'autre manière, le problème, ce n'est pas de savoir si on va les former, c'est de savoir si on a notre service. Bon, je ne charrie pas là-dessus. C'est la réalité. En réalité, tu arrives sur le terrain avec une formation qui est proche du néant. Et évidemment, avec du coup, bah oui, la légende antipédagogique, comme si on était, donc c'est temple du pédagogisme, et puis les combats entre les pédagogues et les didacticiens, et entre les différentes didactiques, qui disent que de toute manière, il n'y a pas de didactique générale, etc. Que reste-t-il paraître, comment dirais-je, picropolines, qui sont quelquefois du cloche-merle, mais qui ont des effets de terrain qui sont catastrophiques, je n'hésite pas à dire. Bon. Donc là-dessus, oui, est-ce que c'est une manière aussi de couler l'école publique? Je ne crois pas personnellement simplement au complot, je pense plutôt à une fossilisation très ancienne, mais qui date peut-être historiquement d'autre chose. On parle d'école de la République, mais il ne faut pas oublier que c'est l'école de l'Empire. Hein, il ne faut pas oublier que c'est une école qui a été construite d'abord sur un modèle qui est un modèle extrêmement descendant, et que la seule école du peuple était l'école primaire, et comme par hasard celle où le niveau de décision ne peut pas être dans l'école même. C'est l'IEN. Rappelez-vous, les directeurs et les directrices d'école ne sont pas des super hiérarchiques. Et je peux vous dire qu'ils en chient, et qu'on a du mal à en trouver. Et que c'est vachement difficile. Bon. Donc là-dessus, il y a tellement un tel nœud de contradictions qu'on a des collègues qui sont réellement, là, actuellement, en ras-le-bol énorme. Il y a des responsabilités différentes. Bon, alors si on pense au plan politique, bon, loi de refondation, très bien, pourquoi pas, mais moi, je suis plutôt crozierien dans l'histoire. C'est-à-dire que je le dis et je le rappelle, Crozier disait, on ne change pas une société par décret, et on ne change pas une profession contre elle-même. Bon, il y a des investissements à faire, c'est évident. Ils sont dans la formation, entre autres. Mais ils sont aussi dans ces inégalités sociales dont on parle peu. Priorité au savoir. Très bien, mais j'ai rien contre, évidemment. Bon, pour dire que ça fasse un peu bien, j'ai fait une thèse qui s'intitulait « Folie et fou dans la pensée platonicienne ». C'est super. Bon. Parce que j'étais en IMP, donc les fous, ça m'intéressait. Bon. Mais en attendant, à l'éducation nationale, il y a des vrais choix, qui sont des choix de classe, sans doute. Bon. Quels sont les personnels qui font le plus d'heures et qui sont les moins payés? Les enseignants du primaire, 25 à 27% de moins que les enseignants du second degré. Combien d'heures fait un enseignant du primaire par rapport à un enseignant qui est en classe préparatoire aux grandes écoles? Bon, qui va former 53% d'enfants qui sont de cadres supérieurs, et les former sur le compte de l'éducation nationale pour les faire rentrer pour la plupart dans les écoles privées, dont d'ailleurs il me semble qu'un ministre a été plus ou moins responsable à un moment. Mais donc là, il y a vraiment des nœuds de contradiction qui sont forts. Et sur ma spécialité, si j'ose dire, ce sont aussi des nœuds qui sont intéressants parce que ça empêche de penser, par exemple, à la prévention précoce. Mais si tu parles prévention précoce, tout de suite, là aussi, il y a des blocages idéologiques de gauche, il faut le dire. Hein, et parce que ça a été manipulé par Sarkozy à l'époque, on le sait bien aussi. Donc il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus, mais je préfère à la limite répondre à un certain nombre de questions. Prenez que j'ai pas mal de parcours et que je pourrais éventuellement vous dire un certain nombre de choses. Mais juste une petite anecdote, bon, qui est quand même amusante. Prenez que les choses ne sont quand même pas si neutres. On sait qu'on a quand même, par exemple, des choses qui peuvent nous faire rire, hein, mais qui en même temps sont éclairantes. Éclairantes de l'idéologie éducative, justement. Et cette idéologie éducative, je suis désolé, c'est bien une idéologie antipédagogique. Regardez actuellement, vous allez à la FNAC, regardez le rayon mai 68. Vous avez 20 bouquins, mai 68, la grande escroquerie, mai 68, le grand bazar, mai 68, le grand bordel, et un bouquin qui essaye de dire qu'il y a eu des choses intéressantes. Quand Najat Vallaud-Belkacem, que je ne défends pas plus que l'autre, moi je ne fais partie d'aucun parti politique, même si j'ai des responsabilités importantes, a fait la réforme des collèges, qui pour moi était pas bouleversante. Hein. Faire de l'interdisciplinarité pour un ancien incite, si je ne faisais pas l'interdisciplinarité, j'aurais un grave trouble dissociatif de la personnalité. Mais donc, une ex-ministre qui se positionnait sur l'éducation, Rama Yadeh, sort avec la réforme des collèges et le retour de Woodstock à l'école. Le retour de Woodstock à l'école. C'est quand même magnifique. Vous avez connu Woodstock, vous ? À l'école ? Bon, là, actuellement, le problème, en plus, c'est un problème, je dirais presque inverse. C'est-à-dire, on ne sait pas comment faire autrement que dans un mode répressif par rapport à des enfants qui sont un petit peu plus difficiles et qui, effectivement, vont être des enfants relativement vite stigmatisés, surtout les garçons bronzés. Merci de cette contribution.